Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Henry Kissinger. I hope and believe that in the decades ahead, the United States will continue to fulfill its history and tradition of building world peace. Thank you for this opportunity. Henry Kissinger, figure incontournable de la diplomatie américaine, lors d'un discours prononcé en marge de la remise du prix Nobel de la paix à Oslo en décembre 2016. Lui-même lauréat du prix Nobel de la paix en 1973, Henry Kissinger aura directement servi sous les administrations Nixon et Ford, en plus de conseiller plus ou moins officiellement tous les présidents américains, du président Eisenhower au président Obama. La parole d'Henry Kissinger continue aujourd'hui encore d'attirer l'attention, comme en témoigne ce discours d'Oslo en décembre 2016, au cours duquel Henry Kissinger réagissait à l'élection de Donald Trump à la présidence américaine en se disant confiant que les États-Unis continueraient de travailler à construire la paix dans le monde. Il n'avait pas encore reçu son baccalauréat. Il a fait une thèse de 300 pages. Le plus brillant qui ait jamais été écrit à Harvard. Il a eu un succès immédiat. Il a été nommé très rapidement instituteur, puis jeune professeur, professeur associé et professeur. Et puis, il a analysé sa vie. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh bien, je suis réfugié allemand, parlant encore l'anglais avec un fort accent. Juif et intellectuel, tout ça, ce sont des handicaps. Bon, je peux servir la vraie puissance de ce pays, la puissance protestante, capitaliste, américaine à 1000%. Ça, c'est Rockefeller. Bien sûr. Il est devenu conseiller de Rockefeller. Sa carrière était lancée. Cet homme si timide et si sûr de lui, si rusé et en même temps si candide, ce mélange de machiavélisme et d'innocence qui est vraiment la définition de Kissinger, n'est-ce pas? C'est un homme qui est d'une ruse extraordinaire. Il avance comme un tank, il est buté, il a un extraordinaire esprit mais qui ne se distingue pas par la finesse, n'est-ce pas? Ce n'est pas... Un tank ne peut pas tout avoir, un tank ne peut pas briller. Je lui disais parfois, vous avez la finesse d'un tank, c'était pas très gentil, vous comprenez? Les journalistes et auteurs, Daniel Unbel, qu'on entendait juste avant, c'était David Schönbrunn, décrivant la personnalité d'Henry Kissinger à l'émission Le 60 en 1974. Pour nous parler de l'importance d'Henry Kissinger en politique étrangère américaine, mon invité Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul d'Endurant de l'Université du Québec à Montréal. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. On vient de l'entendre, Karine Prémont. Un sacré bonhomme, Henry Kissinger, avec un sacré parcours, un parcours qui serait presque digne pour le début de sa vie, en fait, et avant son arrivée dans l'administration publique américaine, un parcours qui serait déjà digne d'un film hollywoodien. Parlez-nous d'abord de ce début de vie. Il n'est pas américain, non. D'abord. Il naît en Allemagne, Henry Kissinger. Il naît en Allemagne, dans la Bavière, en mai 1923. Il va quitter l'Allemagne nazie en 1938 et va se réfugier avec sa famille aux États-Unis. Il va passer son adolescence à travailler dans une usine de New York. Il va étudier le jour. Il va vraiment se faire un devoir de compulser tout ce qu'il peut comme connaissance, mais en même temps, en ayant à cœur de travailler, payer pour ses études aussi. Dès qu'il va obtenir sa citoyenneté américaine en 1943, il va s'engager dans l'infanterie. Donc, il participera à la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans la bataille des Ardennes. Il va ensuite être affecté à une équipe de dénazification des villes allemandes. Il sera ensuite affecté à une équipe de renseignement militaire. Il va être en charge notamment d'interroger des gens soupçonnés d'appartenir à la Gestapo. Alors, on peut voir à quel point déjà ça peut prendre de l'importance. Et effectivement, on l'a entendu, son parcours universitaire, il est unique, il est fulgurant. C'est un type extrêmement brillant, extrêmement travaillant aussi, très volontaire. Et il va avoir à cœur, effectivement, de vouloir contribuer à la société qui l'a accueilli dès son plus jeune âge. En fait. Et puis, il va être à Harvard, donc comme étudiant. C'est fabuleux. Là, cet extrait qui nous disait un document de 300 pages. Il a même pas fini son baccalauréat, oui. Qui publie déjà un document, qui produit déjà un document de 300 pages. Il va être étudiant, mais non seulement étudiant, professeur, un petit bout de temps d'ailleurs. Oui, Harvard. Il sera professeur de 54 à 1969, en fait, jusqu'à temps qu'il joigne cette administration Nixon. Il va publier un grand nombre d'ouvrages qui vont faire leur marque dans les milieux intellectuels américains, bien sûr. Il s'intéresse beaucoup à la politique étrangère. Et son ouvrage le plus important à ce moment-là est sans aucun doute Armes nucléaires et politique étrangère, qu'il publiera en 1957, et dans lequel il va soutenir l'idée d'une certaine forme de guerre nucléaire limitée. Il va expliquer en fait en quoi les armes nucléaires peuvent être utiles à la politique étrangère américaine. Donc aujourd'hui, on lit ça et c'est un peu démodé, mais pour l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire. Donc ses écrits dès le départ, avec ce texte de 300 pages, mais tous ses écrits subséquents, vont marquer en fait la politique étrangère américaine. Et déjà donc, au moment où il enseigne à Harvard, au moment où il publie ses bouquins, il commence à sa carrière dans l'administration publique, pas aussi directement qu'en 69, quand il sera vraiment conseiller auprès de Richard Nixon, mais ça commence au milieu des années 50. Là, 1955 début, là. À peu près, là, il commence à être à donner des conseils, en fait, à participer à certaines analyses du National Security Council des États-Unis, le NSC, là où la politique étrangère américaine se décide, en fait. Et justement, cette association avec Nelson Rockefeller va lui permettre d'entrer dans ces hautes sphères-là. Son intelligence va faire le reste. Alors, il sera très recherché comme conseiller. Sa connaissance fine de l'histoire, sa connaissance fine de la géopolitique, cette vision stratégique qu'il a et qui lui appartient, en fait, qui est assez unique à ce moment-là, vont tous parler pour lui et vont le faire connaître dans ses cercles du pouvoir. Et puis, en 69, donc, c'est son arrivée comme conseiller pour la sécurité nationale du président Nixon. C'est un peu sa grande entrée à Washington, le début de son âge d'or politique. Parlons, c'est fascinant, de la relation qu'auront Henry Kissinger et Richard Nixon. Drôle de relation, à la fois très proche, très proche intellectuellement, mais grands rivaux. Écoutez, toutes les relations qu'entretient Richard Nixon sont étranges, sont particulières, sont conflictuelles en raison de sa personnalité. Et quand on y ajoute ce tank, aussi fin soit-il, évidemment, il y a des étincelles qui se produisent. Effectivement, il partage une vision tout à fait semblable de la géopolitique, de la politique étrangère américaine, de la place des États-Unis dans le monde. Ils sont des partisans de la réelle politique. Ils ont une vision là assez commune de ce qu'ils doivent faire pour maintenir cette puissance américaine dans le monde. Leur expertise, leur connaissance importante aussi dans ce domaine-là, qu'ils jugent tous les deux comme étant supérieurs aux autres, bien sûr, va leur donner cette proximité, cette relation de travail là, qui sera quand même assez efficace. On peut dire que pendant l'administration Nixon, la politique étrangère américaine est le fait de deux personnes, Nixon et Kissinger. C'est assez rare de voir ça. Habituellement, c'est une équipe qui travaille. Et cette relation un peu fusionnelle, en tout cas en termes intellectuels, va écarter tous les autres. D'ailleurs, Henry Kissinger aimait à dire que le secrétaire d'État de l'époque, William Rogers, avait justement été choisi en raison de son incompétence en ce domaine pour pouvoir l'écarter plus facilement et travailler seul avec Nixon. Donc, très proche, effectivement, en termes intellectuels, mais au niveau personnel, ça se passe beaucoup moins bien parce que ce sont des hommes, tous les deux extrêmement ambitieux, extrêmement conscients de leur place dans l'histoire ou en tout cas de celle qu'ils aimeraient avoir dans cette histoire-là. Ce sont des types qui se méfient l'un de l'autre, qui s'affublent d'épithètes pas nécessairement très, très joyeux. Nixon aimait faire des blagues antisémites devant Kissinger juste pour le voir réagir. Kissinger parlait de Nixon comme de son ami ivre parce que, bon, Nixon apparemment aimait bien prendre un verre. Kissinger était régulièrement traité de psychopathe par Nixon. Et chacun, par conseiller interposé, suggérait à l'autre d'aller consulter un psychologue et un psychiatre parce que clairement, ça n'allait pas bien. Bonsoir l'ambiance. Donc, effectivement, parce qu'ils sont en rivalité constante, ce sont des hommes qui aiment l'attention, qui veulent surtout la reconnaissance de leur travail, qu'ils veulent tous les deux être vu comme étant le génie de la politique étrangère américaine. Puis la tendance qu'a, les deux sont ambitieux, les deux veulent de la lumière, cherchent la célébrité, et ce qui va horripiler Nixon, c'est cette tendance qu'a Kissinger. Évidemment, il soigne bien ses amis de la presse, Henry Kissinger, puis il s'arrange toujours pour avoir le beau rôle. Ça rend Richard Nixon complètement fou. Complètement fou parce que Kissinger laisse sous-entendre, et quelquefois plutôt clairement, donc plus que sous-entendre, que c'est lui l'architecte de la politique étrangère américaine. américaine. C'est lui le génie derrière tous ces gestes-là, parce que il y aura des gestes extrêmement ingénieux en politique étrangère américaine sous Nixon. Et donc, évidemment, Nixon, ça le met hors de lui. On sait qu'il est un peu paranoïaque aussi. Donc, et Kissinger, vous l'avez dit, soigne ses relations avec la presse, se donne le beau rôle, mais ce qu'il fait surtout, Kissinger, c'est d'orchestrer des fuites d'informations confidentielles, justement pour s'attirer la sympathie des journalistes, alors que Nixon, ça le rend fou furieux. Il avait mis sur pied une équipe de plombiers, entre guillemets, pour colmater ces fuites-là en disant « il faut qu'elles cessent parce que ça nuit à nos relations avec les alliés, ça compromet nos négociations avec, par exemple, le Vietnam, etc. » Donc, il faut que ces fuites-là cessent. Et Kissinger, lui, en avait rien à faire. Tout ce qu'il voulait, c'était justement avoir ces lumières sur lui, effectivement. Bon, il sera aussi conseiller, donc il est avec Nixon pendant toute sa présidence. Il sera ensuite secrétaire d'État avec Gerald Ford. Comment ça va se passer de ce côté-là, entre ces deux hommes-là? Ben, ça se passe différemment dans la mesure où ce que Ford veut faire, c'est vraiment effectuer une rupture avec l'administration Nixon, parce que Ford arrive à la suite du scandale du Watergate. Nixon a démissionné. Ford est le président par accident, parce qu'on se rappelle qu'il avait remplacé le vice-président de Nixon précédemment qui avait dû démissionner, donc il n'a pas été élu non plus comme vice-président. Alors, cette présidence-là, elle est plutôt problématique à bien des égards, et Kissinger comprend très bien là que le jeu a changé, qu'on n'est pas dans les grandes démonstrations de force. Et d'ailleurs, Ford va lui demander de renoncer à son titre de conseiller à la sécurité nationale, parce qu'il faut dire qu'il a cumulé deux postes importants pendant l'administration Nixon, celle de conseiller à la sécurité nationale, mais celle de secrétaire d'État aussi. Il va remplacer William Rogers en 1974, et Ford va lui dire, écoutez, c'est trop de responsabilités, on concentre trop de pouvoir entre vos mains, il faudra renoncer au poste de conseiller national, et Kissinger va accepter, et très rapidement, par la suite, là, il va quitter l'administration. On rentre dans les grands dossiers, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été très, très important, une figure vraiment importante de la diplomatie américaine. Quel bilan faire du travail d'Henry Kissinger? On écoute d'abord le journaliste à Washington, Philippe Debosset, parler de la vision de Kissinger en matière de politique étrangère à l'émission Telle qu'elle en 1973. Il a écrit des livres sur l'équilibre des puissances, l'équilibre du pouvoir. Et pour lui, l'idée force, c'est que les peuples aujourd'hui qui détiennent des moyens de destruction absolument extraordinaires doivent, pour vivre en paix, trouver un modus vivendi. Et ce modus vivendi, il est impossible de le trouver dans des attitudes figées, comme elle l'était à l'époque de John Foster Dulles. Il faut donc utiliser la souplesse. Donc vous avez affaire à un esprit qui est d'une grande souplesse, à un intellectuel, à un universitaire, à un monsieur qui a beaucoup étudié les choses et qui en même temps, je crois, a une personnalité très forte et un ego, comme on dit ici, très développé. Alors comment, Karine Prémont, comment résumer la vision d'ensemble? On ira dans les dossiers, dans quelques dossiers, l'un à la suite de l'autre dans un instant, mais cette vision d'ensemble de la politique étrangère américaine d'Henry Kissinger. Mais en fait, je pense qu'on peut le résumer en employant le mot diplomatie. Ça a l'air un peu cliché de le dire, mais je pense qu'Henry Kissinger effectivement avait réalisé que pour arriver à nos fins, et on parlait de Machiavel un peu au départ dans les archives qu'on a entendues, c'est effectivement ça, c'est-à-dire qu'il faut bien doser à la fois la menace de l'utilisation de la force, mais il faut surtout utiliser les outils diplomatiques pour arriver à nos fins. Et pour ça, et on le voit bien notamment dans le cas de l'ouverture à la Chine, il faut être capable de jouer les ennemis entre eux, il faut être capable de bien voir nos intérêts à long terme, il faut vraiment maîtriser cet échiquier mondial, en fait, il faut vraiment maîtriser toutes ces cordes-là pour éviter à la fois les débordements qui sont liés aux armes extraordinaires qu'on a entre nos mains, mais aussi pour s'assurer de toujours rester, et c'est là, je vous dirais, son objectif ultime, de toujours rester, en parlant des États-Unis, au-dessus de la mêlée, de toujours rester cette espèce de puissance là incomparable sur la scène internationale. Rusé, on l'a entendu plus tôt, mais vraiment un tacticien, stratège et pragmatique, vous le disiez, c'est très, très important, adepte, comme Nixon, de la réalpolitik. Parlons de l'URSS, parce que Kissinger, c'est quelqu'un qui est directement associé à la guerre froide, en fait, qui travaille à Washington au moment de la guerre froide. Comment se définit-il par rapport à l'URSS? Puis en fait, il va être un défenseur de la détente avec l'URSS, parce qu'après la crise des missiles de Cuba, il va se rendre compte justement de ce danger que les grandes puissances ne se parlent pas, que les liens diplomatiques soient coupés. Alors, il va travailler et il va dire, ben, il faut qu'on puisse faire des concessions, il faut qu'on puisse reconnaître nos sphères d'influence respectives, il faut qu'on puisse cohabiter si on ne peut pas effectivement travailler de façon étroite ensemble, mais il faut à ce moment-là trouver des façons de cohabiter. Et c'est ce qu'il va mettre en œuvre, évidemment, avec d'autres conseillers, mais notamment avec Nixon. The peace in Indochina requires the self-restraint of all of the major countries. La paix en Indochine exige de la discipline et de la retenue de la part des différents pays ayant pris part au conflit. Nous sommes prêts pour notre part à faire preuve de cette retenue. Et nous croyons que l'Union soviétique et la Chine peuvent significativement contribuer à la paix en faisant aussi preuve de retenue. Can make a very major contribution to peace in Indochina by exercising similar restraint. Henry Kissinger, au moment de la signature des accords de Paris en 1973, où situait Henry Kissinger, Karine Prémont, sur la question du Vietnam? Bien, contrairement à l'idée reçue voulant que Kissinger était en faveur de cette intervention américaine au Vietnam, en fait, et d'ailleurs, il y en a qui disent que c'est pour ça qu'il avait été choisi par Nixon, alors qu'en fait, il a été choisi par Nixon parce qu'il avait élaboré une stratégie de sortie du Vietnam en 4 points avec Rockefeller pendant la campagne de 1968. Et il faut dire aussi qu'il avait fait un voyage au Vietnam au début des années 1960. Alors, il avait vu, en fait, la complexité, en fait, d'une intervention américaine là. Donc, c'est quelqu'un qui va travailler essentiellement à limiter les dégâts. On pourra reparler effectivement des débordements parce qu'il y en aura. Il va jouer de ruse, mais quelquefois il va se tromper. Il va négocier toujours cette question du secret quand on parle de l'administration Nixon. Secret tellement à l'extrême en fait que la main droite ne sait pas ce que fait la gauche et inversement. Donc il y aura des négociations, mais il y aura aussi en parallèle des bombardements au Cambodge pour détruire la piste Ho Chi Minh. Donc il y aura toutes sortes de choses plus ou moins légales qui vont se passer en parallèle, qui vont miner ces négociations. Mais Henry Kissinger, en fait, ce qu'il souhaite, c'est, et il l'a très bien dit, on l'a très bien entendu dans l'extrait, c'est cette idée de faire en sorte que les grandes puissances n'y mettent pas toute la gomme, de faire en sorte que les grandes puissances y allent de ruse, de diplomatie, de prudence, en fait, pour éviter que le pire n'arrive, comme on l'avait frôlé pendant la crise des missiles. Oui. Il va recevoir le prix Nobel de la paix en 73 sur cette question du Vietnam. Ça reste, aujourd'hui encore, Karine Prémont, probablement l'un des prix Nobel de la paix les plus controversés de l'histoire. Pourquoi? Mais d'abord parce que cette guerre-là est tout à fait illégitime à bien des égards. C'est une guerre qui a causé beaucoup de dommages. Les Américains ont utilisé des armes interdites. Les Américains ont commis plusieurs... On parlait de débordements tantôt pour le dire de façon diplomatique, mais ils ont commis des gestes tout à fait atroces au Vietnam. Et il y avait, je l'ai dit aussi, les bombardements au Cambodge qui étaient complètement illégaux. Donc, il y avait toute cette liste de récriminations qui sont associées aux négociations de paix au Vietnam. Et les accords de Paris en 73 règlent absolument pas, sortent les États-Unis de la guerre, mais ça pas continue. Du tout. Voilà. Et ça va se terminer en 73 quand les Américains vont sortir les derniers vont quitter avec les derniers ressortissants et quelques instants plus tard, le Nord envahit le Sud et annexe le Sud. Alors, cette guerre-là a été menée tout à fait pour rien. Alors, de voir qu'on donnait, et certains parlent d'Henry Kissinger comme étant un criminel de guerre, justement, en raison de l'utilisation de certains types d'armes. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, lui attribuer un prix Nobel, ça a suscité beaucoup de controverses. Sur la question israélienne, Kissinger est aussi difficile à classer dans ce dossier. On le décrit parfois même comme un juif antisémite, rien de moins. Sur la guerre du Kippour, par exemple, en 73, quelle serait sa position? Mais en fait, ce qu'il faut dire d'Henry Kissinger, c'est que pour des raisons évidentes, notamment liées à sa biographie personnelle, ce n'est pas un idéologue. Il se méfie des idéologies, il se méfie de ses idées toutes faites. Et on parlait d'un type flexible, on parlait d'un type qui était ouvert intellectuellement. Alors, sur la question israélo-palestinienne, ou sur toutes les questions de conflit dans cette région-là, ça va être la même chose. Il ne va pas nécessairement choisir Israël ou choisir les Juifs parce qu'il est lui-même juif. Il va essayer de comprendre pragmatiquement l'enjeu régional au complet. Et dans la guerre du Kippour, on a aussi frôlé le conflit nucléaire parce que la Russie est intervenue dans ce conflit-là en menaçant les États-Unis. Donc, et ce qui était particulier avec la guerre du Kippour de 73, c'est que Nixon était complètement mis de côté parce que on est en plein Watergate. Nixon semble avoir des problèmes de consommation d'alcool à ce moment-là. Les leaders étrangers ne lui font pas confiance parce qu'on juge qu'il est pas tellement légitime s'il a vraiment fait ce qu'on lui reproche d'avoir fait. Donc, c'est Kissinger un peu qui prend le contrôle de ce conflit-là. On écarte Nixon. Il va prendre plusieurs heures, en fait, à aviser Nixon qui a guerre à ce moment-là. Et c'est Kissinger, à toute fin pratique, là, qui va négocier la fin du conflit. Parlons du coup d'État contre Salvador Allende au Chili en 1973, toujours. Quel rôle va jouer Kissinger dans ce coup d'État de 1973, Karine Prémont? Mais ça, c'est encore difficile à dire aujourd'hui, aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que Henry Kissinger est très jaloux de ses archives. Il est encore vivant, alors il dit tant que je suis pas mort, il y a personne qui va mettre son nez dans mes affaires. Alors il contrôle tout à fait l'information. Donc c'est encore difficile aujourd'hui de savoir quelle a été l'implication réelle de Kissinger. Ce qu'on sait évidemment, c'est qu'il y a intervention de la CIA, et c'est difficile d'imaginer que Kissinger, 1973, quand ça se produit, que ça s'est passé au-dessus de sa tête. Là, il était impliqué dans à peu près toutes les décisions, mais à quel point, qu'est-ce qu'il savait, qu'est-ce qu'il a ordonné ou pas, à quel point Nixon était aussi complice de tout ça. Pour l'instant, là, c'est très difficile à dire. On n'a pas de documents qui prouvent, hors de tout doute, l'orchestration là, qui part de la Maison-Blanche. Son degré d'intervention. Pour l'instant, c'est encore très flou. Mais évidemment, on sait que Washington n'aime pas tout ce qui est à gauche dans le monde en général et sur ce continent en particulier. Voilà. Je veux te raconter, Kissinger, l'histoire d'un de mes amis. Son nom ne te dira rien, il était chanteur au Chili. Ça se passait dans un grand stade, on avait amené une table. Mon ami qui s'appelait Jara fut amené tout près de là. On lui fit mettre la main gauche sur la table et un officier, d'un seul coup avec une hache, les doigts de la gauche a tranché. Lettre à Kissinger ou à Kissinger, c'est selon la chanson de Julius Bocard sur le coup d'État de 73 au Chili. Ce Kissinger criminel de guerre que décrit Julius Bocard, Karine Prémont, on va le retrouver. En tout cas, c'est comme ça qu'il sera aussi décrit dans le cas de l'annexion du Timor. Exactement, parce qu'il va contribuer à cette annexion du Timor oriental par l'Indonésie de Suharto. Et évidemment, dans les années qui vont suivre, les Indonésiens vont massacrer plus de 200 000 Timorais. Il y aura génocide, il y aura toutes sortes d'atrocités qui vont être commises. Alors évidemment, on accuse Kissinger indirectement d'avoir participé à cette tragédie. Que retient l'histoire, la grande histoire? Je parle d'historien, de politologue aux États-Unis, parce qu'il a été vraiment très, très présent, omniprésent dans la politique étrangère américaine, Henry Kissinger. Qu'est-ce qu'on retient de sa vision? Mais évidemment, un type aussi spectaculaire, aussi controversé que lui, ne laisse pas un héritage qui fait unanimité, on peut l'imaginer. Alors, quand on interroge aujourd'hui les historiens, les politologues, les militaires, tous ceux qui sont intéressés par la politique étrangère américaine, ben, on a des réponses qui vont un peu dans tous les sens. Effectivement, il y a cette idée du grand stratège de la politique américaine qui demeure, qui aurait redéfini les relations internationales dans une période trouble. Et ça, je pense qu'on peut lui donner ce rôle-là. En même temps, il y en a plusieurs qui disent que c'est probablement la personne la plus surestimée de cette époque-là, dans la mesure où c'est Nixon qui aurait eu ses visions, qui aurait été l'architecte réel et Kissinger aurait été, en fait, un exécutant, quelqu'un qui aurait aimé se donner le beau rôle sans nécessairement avoir toutes ces idées-là. Bon, effectivement, il peut être surestimé un peu. En même temps, on connaît l'intellectuel, on connaît ses capacités. Alors, on peut imaginer qu'il a joué un rôle plus important que ça. Quand on regarde les archives de Nixon, quand on regarde la littérature, les documents qui existent, on voit qu'il est omniprésent, on voit qu'il participe aux décisions, on voit qu'il les centralise, les décisions. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'il a eu un rôle secondaire. Je vous dirais que je pense que ce qui ressort le plus de cet héritage-là, c'est qu'on comprend bien qu'il a parfaitement saisi la nécessité pour les États-Unis de contrôler ce jeu politique international, de rester au centre de ce jeu international et de voir en fait que ce monde-là est de plus en plus interdépendant aussi. Alors c'est absolument essentiel pour les États-Unis d'en contrôler les ficelles d'une certaine façon pour protéger ses propres intérêts, mais aussi pour assurer un monde un peu plus pacifique. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.